Chapitre 74e, les femmes et les fleurs. Quelques mois après les événements que nous venons de raconter, vers la fin de mars 1791, une voiture suivant rapidement le chemin d'Argenteuil à Beson faisait un détour à un demi-quart de lieue de la ville, s'avançait vers le château du Marais, dont la grille s'ouvrait devant elle, et s'arrêtait au fond de la seconde cour, près de la première marche du perron. L'horloge placée au fronton du bâtiment marquait 8 heures du matin. Un vieux domestique qui semblait attendre impatiemment l'arrivée de la voiture se précipita vers la portière qu'il ouvrit, et un homme entièrement vêtu de noir s'élança sur les degrés. « Ah, monsieur Gilbert, dit le valet de chambre, vous voici enfin. « Qu'a-t-il donc, mon pauvre Tèche ? Demanda le docteur. « Hélas, monsieur, vous allez voir, dit le domestique. » Et marchant devant le docteur, il lui fit traverser la salle de billard, dont les lampes, allumées sans doute à une heure avancée de la nuit, brûlaient encore. Puis la salle à manger, dont la table, couverte de fleurs, de bouteilles débouchées, de fruits et de pâtisseries, attestait un souper qui s'était prolongé au-delà des heures habituelles. Gilbert jeta sur cette scène de désordre, qui lui prouvait combien peu ses prescriptions avaient été suivies, un regard douloureux. Puis, haussant les épaules avec un soupir, il s'engagea dans l'escalier qui conduisait à la chambre de Mirabeau située au premier étage. « Monsieur le comte, dit le domestique en pénétrant le premier dans cette chambre, voici monsieur le docteur Gilbert. »« Comment, le docteur ? » dit Mirabeau. « On a été le chercher pour une pareille niaiserie. »« Niaiserie ? » murmura le pauvre Tèche. « Jugez-en par vous-même, monsieur. »« Oh, docteur, dit Mirabeau, en se soulevant sur son lit. » « Croyez que je suis de regret que, sans me consulter, on vous ait dérangé ainsi. »« D'abord, mon cher comte, ce n'est jamais me déranger que de me susciter une occasion de vous voir. Vous savez que je n'exerce que pour quelques amis, et cela, je leur appartiens tout entier. Voyons, qu'est-il arrivé ? Et surtout, pas de secret pour la faculté. Tèche, tirez les rideaux et ouvrez les fenêtres. » Cet ordre exécuté, le jour envahit la chambre de Mirabeau jusque dans la pénombre, et le docteur put voir le changement qui s'était fait dans toute la personne du célèbre orateur depuis un mois à peu près qu'il ne l'avait rencontré. « Hein ? » fit-il malgré lui. « Oui, dit Mirabeau, je suis changé, n'est-ce pas ? Je vais vous dire tout cela bien. » Gilbert sourit tristement. Mais comme un médecin intelligent tire toujours parti de ce que lui dit son malade, dut celui-ci lui dire un mensonge, il le laissa faire. « Vous savez, continua Mirabeau, quelle question on débattait hier ? Oui, celle des mines. C'est une question qu'on mal connue peu ou point approfondie. Les intérêts des propriétaires et du gouvernement ne sont pas assez distincts. D'ailleurs, le comte de Lamarque, mon ami intime, était très intéressé dans la question. La moitié de sa fortune en dépendait. Sa bourse, cher docteur, a toujours été la mienne. Il faut être reconnaissant. J'ai parlé, ou plutôt j'ai chargé 5 fois. À la dernière charge, j'ai mis les ennemis en déroute, mais je suis resté, ou à peu près, sur le carreau. Cependant, en rentrant, j'ai voulu célébrer la victoire. J'avais quelques amis à souper, on a ri, bavardé jusqu'à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, on s'est couché. À 5, j'étais pris par des douleurs d'entrailles. J'ai crié comme un imbécile, Tèche a eu peur comme un poltron, et il vous a envoyé chercher. Maintenant, vous êtes aussi savant que moi. Voilà le pouls, voilà la langue. Je souffre comme un damné. « Tire-moi de là, si vous pouvez. Quant à moi, je vous déclare que je ne m'en mêle plus. » Gilbert était un trop habile médecin pour ne pas voir, sans le secours de la langue ou du pouls, la gravité de la situation de Mirabeau. Le malade était près de suffoquer, respirait avec peine, avait le visage gonflé par l'arrêt du sang dans les poumons. Il se plaignait de froid aux extrémités et de temps en temps, la violence de la douleur lui arrachait soit un soupir, soit un cri. Le docteur voulut, cependant, confirmer son opinion, déjà presque arrêtée par l'examen du pouls. Le pouls était convulsif et intermittent. « Allons, dit Gilbert, ce ne sera rien pour cette fois, mon cher comte. Mais il était temps. » Et il tira sa trousse de sa poche, avec cette rapidité et ce calme que sont les signes distinctifs du véritable génie. « Ah ah, dit Mirabeau, vous allez me saigner, à l'instant même. Au bras droit ou au bras gauche ? Ni à l'un ni à l'autre. » Vous n'avez déjà les poumons que trop engorgés. Je vais vous saigner aux pieds, tandis que Tèche va aller chercher à Argenteuil de la moutarde et des cantharides, pour que nous vous appliquions des sinapismes. Prenez ma voiture, Tèche. Diable, fit Mirabeau. Il paraît que, comme vous le disiez, docteur, il était temps. » Gilbert, sans lui répondre, procéda immédiatement à l'opération, et bientôt un son noir et épais, après avoir hésité un instant, jaillit du pied du malade. Le soulagement fut instantané. « Un morbleu !» dit Mirabeau, respirant plus à l'aise. « Décidément, vous êtes un grand homme, docteur. Et vous, un grand fou, comte, de risquer ainsi une vie si précieuse à vos amis et à la France pour quelques heures de faux plaisir. » Mirabeau sourit avec mélancolie, presque ironiquement. « Bon, mon cher docteur, vous exagérez le cas que mes amis et la France font de moi. D'honneur, dit en riant Gilbert, les grands hommes se plaignent toujours de l'ingratitude des autres hommes. Et ce sont eux, en réalité, qui sont ingrats. Soyez malade sérieusement, et demain, vous aurez tout Paris sous vos fenêtres. Mourrez après-demain, et vous aurez toute la France à votre convoi. Savez-vous que c'est très consolant ce que vous me dites là ? Répondit en riant Mirabeau. C'est justement parce que vous pouvez voir l'un sans risquer l'autre que je vous dis cela. Et en vérité, vous avez besoin d'une grande démonstration qui vous remonte le moral. Laissez-moi vous ramener à Paris, dans 2 heures, comte. Laissez-moi dire au commissionnaire du premier coin de rue que vous êtes malade, et vous verrez. Vous croyez que je puisse être transporté à Paris ? Aujourd'hui même, oui. Qu'éprouvez-vous ? Je respire plus librement. Ma tête se dégage. Le brouillard que j'avais devant les yeux disparaît. Je souffre toujours des entrailles. Oh, cela regarde les synapismes, mon cher comte. La saigne a fait son œuvre. C'est au tour des synapismes à faire la leur. Et tenez justement, voici Tèche. En effet, Tèche entra au moment même avec les ingrédients demandés. Un quart d'heure après, le mieux prédit par le docteur était arrivé. « Maintenant, dit Gilbert, je vous laisse 1 heure de repos et je vous emmène. »« Docteur, dit Mirabeau en riant, voulez-vous me permettre de ne partir que ce soir et de vous donner rendez-vous dans mon hôtel de la chaussée d'Antin à 11 heures ?» Gilbert regarda Mirabeau. Le malade comprit que son médecin avait deviné la cause de ce retard. « Que voulez-vous ? Dit Mirabeau, j'ai une visite à recevoir. « Mon cher comte, répondit Gilbert, j'ai vu bien les fleurs sur la table de la salle à manger. Ce n'était pas seulement un souper d'amis que vous avez donné hier. Vous savez que je ne saurais me passer de fleurs, c'est ma folie. « Oui, mais les fleurs ne sont pas seules, comte. Dame, si les fleurs me sont nécessaires, il faut bien que je subisse les conséquences de cette nécessité. « Comte, comte, vous vous tuerez, dit Gilbert. « Avouez, docteur, que ce sera du moins un charmant suicide. Comte, je ne vous quitte pas de la journée. Docteur, j'ai donné ma parole. Vous ne voudriez pas m'y faire manquer. Vous serez ce soir à Paris. Je vous ai dit que je vous attendrai à 11 heures dans mon petit hôtel de la rue de la Chaussée d'Antin. L'avez-vous vu déjà ? Pas encore. C'est une acquisition que j'ai faite de Julie, la femme de Talma. En vérité, je me sens tout à fait bien, docteur. C'est-à-dire que vous me chassez. Oh, par exemple. Au reste, vous faites bien. Je suis de quartier aux Tuileries. Vous verrez la reine, dit Mirabeau en s'assombrissant. Probablement. Avez-vous quelques messages pour elle ? Mirabeau sourit amèrement. Je ne prendrai point pareille liberté, docteur. Ne lui dites pas même que vous m'avez vu. Pourquoi cela ? Parce qu'elle vous demanderait si j'ai sauvé la monarchie, comme je lui ai promis de le faire, et vous seriez obligé de lui répondre que non. Du reste, ajouta Mirabeau avec un rire nerveux, il y a bien autant de sa faute que de la mienne. Vous ne voulez pas que je lui dise que votre excès de travail, que votre lutte à la tribune vous tue ? Mirabeau réfléchit un instant. Oui, répondit-il, dites-lui cela. Faites-moi même, si vous voulez, plus malade que je ne suis. Pourquoi ? Pour rien, par curiosité, pour me rendre compte de quelque chose. Soit. Vous me promettez cela, docteur ? Je vous le promets. Et vous me répéterez ce qu'elle aura dit, ses propres paroles. Bien. Adieu, docteur. 1000 fois merci. Et il tendit la main à Gilbert. Gilbert regarda fixement Mirabeau, que ce regard parut embarrassé. À propos, dit le malade, avant de vous en aller, que prescrivez-vous ? Oh, dit Gilbert, des boissons chaudes et purement délayantes, chicorées ou bourraches, diète absolue et surtout, pas de garde malade qui ait moins de 50 ans. Vous entendez, comte ? Docteur, dit Mirabeau en riant, plutôt que de manquer à votre ordonnance, j'en prendrai 2 de 25. À la porte, Gilbert rencontra Tèche. Le pauvre garçon avait les larmes aux yeux. « Oh, monsieur, dit-il, pourquoi vous en allez-vous ? Je m'en vais parce qu'on me chasse. Mon cher Tèche, dit Gilbert en riant. « Et tout cela pour cette femme ?» murmura le vieillard. « Et tout cela parce que cette femme ressemble à la reine ?» Un homme qui a tant de génie à ce que l'on dit. Mon Dieu, faut-il être bête ? » Et sur cette conclusion, il ouvrit la portière à Gilbert, qui remonta en voiture, tout préoccupé, et se demandant tout bas. « Que veut-il dire avec cette femme qui ressemble à la reine ?» Un instant, il arrêta le bras de Tèche comme pour l'interroger, mais tout bas encore. « Eh bien, qu'allais-je faire » dit-il. « C'est le secret de M. de Mirabeau, et non le mien. Cocher à Paris !» Ainsi s'achève le tome 2 de La Comtesse de Charny par Alexandre Dumas.